This is California Spirit with Chris Morris. Salut à tous et mille fois merci de nous avoir suivis en très grand nombre, car vous étiez la semaine dernière quelques milliers accrochés à votre transistor préféré, et c'est un bonheur sans nom pour nous de vous savoir de plus en plus fidèles. Le succès est au rendez-vous, et ce, grâce à vous. Encore merci. Et il va y avoir dans cet épisode comme un parfum de gold qui traîne dans l'air. Oui, ces titres anthologiques qui ont été les power plays des stations US californiennes comme KLOS ou Kiss FM LA. Tenez, comme pour exemple ce titre de 75, Sister Golden Hair, de ce groupe incontournable America, écrit par son leader Jerry Beckley, et extrait de leur cinquième album studio Hearts, et qui fut number one au Billboard Hot 100. Bienvenue, c'est Chris Morris qui vous accompagne tout au long de ce voyage Iowa West Coast Music. Voici America, Sister Golden Hair. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you, can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Can't make it. California Spirit Power Play. California Spirit. Paul McCartney, I Don't Know, extrait de son tout nouvel album Egypt, album donc I Don't Know, qui est une balade au piano et aux accents soul qui rappelle inévitablement Imagine de John Lennon, dans laquelle l'ex-Beatles semble se remettre en question et dit, ouvrez les guillemets, eh bien je vois des ennuis à tout moment, j'ai tant de leçons à apprendre, qu'ai-je fait de mal? Je ne sais pas, maintenant qu'est-ce qui me prend? Ai-je raison? Ai-je tort? Eh bien nous ne pourrons répondre à sa place, mais sachez que le légendaire Beatles a pris la tête des ventes des albums aux USA avec son 17e disque solo, donc Egypt Station. Il n'avait pas atteint la première place du classement Billboard 200 depuis 1982. Cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. My window, sea of green, how the wind blows across my face and through my body. Oh, that breeze, I think it knows me. I'm alive, hear me laughing. Let that rain fall cold and splash rushing. To be loved is to be happy. I think I'm ready for that now. I've been away too long. I've got to change it all somehow. I want to hear a new song. What about real love? Tell me how you really know. Ever since I was a kid, everything I didn't love, I seemed to let it go. So how about real love? Maybe we already know. Oh, is it the highway rain? Is it anything, baby? The windy race or the way I feel, maybe. The dream of love or the real thing waiting here for me, yeah. Highway rain, help me make it. She don't know how to say it. The sun goes down, it's bound to happen. I know now that love's worth having. Hold my hand from a distance, call my name, and I'll be listening. To be loved is to be happy. I think I'm ready for that now. I've been away too long. I've gotta change it all somehow. I wanna hear a new song. What about real love? Tell me how you really know. Ever since I was a kid, everything I didn't love, I seemed to let it go. So how about real love? Maybe we already know. Oh, is it the highway rain? Is it anything, baby? The windy race or the way I feel, maybe. The dream of love or the real thing waiting, real thing waiting. Michael Tomlinson, Highway Rain, et cet extrait de son deuxième album studio Still Believe de 1987, sorti à l'époque sur le label Cypress Records. Et si vous aimez Michael Tomlinson, sachez que son dernier album House of Sky de 2016 est toujours en vente sur internet. C'est une grande bouffée d'air pour que, eh bien, que l'artiste nous offre, lui qui aime tant la nature, et il a beaucoup à nous apprendre de par sa vie simple dans sa maison perdue dans les bois de l'Oregon près de Seattle. California Spirit Radio Show, that West Coast coolness wherever you are. Flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing ever comes from violence, nothing ever could, for all those born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Exceptionnel David Garfield, extrait de cet album Jazz Outside the Box, avec cette reprise de Sting, Fragile, où l'on retrouvait en featuring Michael McDonald, Bruce Amada, Diego Figueiredo. Si vous aimez le jazz, donc teinté West Coast, eh bien c'est cet album qu'il vous faut impérativement. This is Roy Braverman from the USA, loving the golden grooves and smooth moves of California Spirit Radio Show, wherever I go. It's the falling in love. That's making me high. It's the being in love that makes me cry. California Spirit, extra gold. Not like anybody I ever knew. Carl Baer-Sager dans le Transistor. It's a Falling in Love, extrait de l'album de 78, Two, et titre coécrit par David Foster. C'est une icône de la musique des années 70-80, de par ses propres albums, mais surtout pour son écriture, pour les plus grands, dont Michael Jackson, Christopher Cross, Peter Allen et tant d'autres. Merci madame, vous êtes d'une classe hors du commun. Hitchhike along with Chris Morris on the highway of classic hits, California Spirit Radio Show. De vous faire découvrir ces talents oubliés des autres radios, tel Queen Starkey. Oui, chaque semaine, nous découvrirons un extrait de son album Ghost in My Heart, sorti en 2016, et Je m'y tiendrai. Et le titre choisi colle parfaitement bien à cette programmation fraîche et californienne. C'était Malibu. Weekend vibes, West Coast jives, California Spirit Radio Show. Thank you. California Spirit Radio Show. Nouveauté avec eh bien, le tout dernier titre de Marcus Lips and His Soul Brothers, Autumn in My Mind. L'Europe du Nord vient en force avec bien ce titre écrit par Marcus Lips, enregistré et mixé par Stéphane Goels. Et puis vous retrouverez bien entendu ce titre eh bien, téléchargeable sur Spotify, iTunes, Amazon, Google Play, Tidal. Et sans oublier bien entendu la participation de Patrick Sands, le Suédois, à la guitare électrique. Bravo à vous les gars. C'est super. California Spirit Radio Show, your weekend West Coast habit. California Spirit. Red ice, smoke, cake. Ed Mota, à l'instant, avec Your Satisfaction is Mine, c'est une nouveauté, cet extrait de l'album Criterion of the Senses, sorti dans les bacs il y a peu de jours, entièrement composé et produit à Rio, dans les studios Marini, chez lui, et dans ses studios Dwitza. Cet opus allie la soul à la fusion, au funk et au soft rock. Chaque titre est habilement réalisé par des musiciens brésiliens hors pair, capables d'offrir à chaque composition la sensualité qui caractérise la musique de Mota. Enfin, sachez que Ed Mota se produira le 30 octobre prochain à la salle de New Morning, et c'est à Paris. California Spirit Radio Show, your smooth sound drive on Sunset Boulevard. Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. And Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? My blue suede shoes, and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Quand Mark Conn nous offre une balade dans Memphis, il évoque alors un certain W.C. Handy, qui n'est autre que William Christopher Handy, chanteur et compositeur de blues américain, souvent considéré comme the father of the blues, et en arpentant la ville de King, il y aperçut son fantôme. De quoi rêver jusqu'à la fin de nos jours, avec cette merveille de Mark Conn, donc Walking in Memphis, qui datait de 1991 et qui vous est offert dans California Spirit Radio Show. Cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Qu'est-ce que c'est bon, hein. 1981, Leon Ware, Rockin' You Eternally, extrait de l'album du même nom. Et le célèbre Thank You Magazine disait de lui dans un papier spécial au lendemain de sa mort, c'est-à-dire l'année dernière, il fut l'un des valeureux artisans de la soul music des années 70, songwriter, compositeur, producteur et interprète. Leon Ware est l'auteur de nombreux joyeux soul pour Michael Jackson, I Wanna Be Where You Are, Donny Hathaway, I Know It's You, Minnie Riperton, Inside My Love, et plusieurs plages pour Motown avec son associé T-Boy Ross, le frère cadet de Diane Ross. Leon Ware obtient son break au milieu des années 70 en participant à l'album Body Heat de Quincy Jones, mais surtout en offrant son titre le plus emblématique, I Want You, à Marvin Gaye en 1975. Oui, rien que cela. Weekend vibes, West Coast jives, California Spirit Radio Show. The candlelight. quel cadeau, quel cadeau. You're just in for the race. Je suis en adoration de cette voix qui rappelle celle des plus grandes des années 70, comme Carly Simon ou Linda Ronstadt. Et pourtant, nous sommes bel et bien en 2018 avec cette nouveauté dont l'interprète s'appelle Diane Birch, née dans l'état du Michigan, mais qui traversa l'Atlantique pour enregistrer sous la houlette de mon ami Sean Lee, qu'on ne présente plus. Donc, Diane Birch, In It for the Race, c'est une nouveauté, c'est un power play. This is Lindarella Ray and Roy Braverman taking a smooth sound trip on Sunset Boulevard with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Ce titre est un bijou, You Belong To Me, chanté à l'origine par les Doobie Brothers en 77, mais co-écrit avec, entre Carly Simon et Michael McDonald. Celle-ci reprendra donc dans cet album Boys In The Trees en 1978, donc ce You Belong To Me, qui resta quand même pendant 18 semaines donc dans le charts américain, et puis il atteindra la place numéro 6 dans ce même Billboard. Chris Morris is on your best radio station. Hi, this is Sean Lee from Young Gun Silver Fox, and you're listening to our brand new album, AM Waves, on California Spirit Radio Show with Chris Morris. Top of the line. Le dernier titre de cette programmation, nous le devons eh bien à nos deux amis, nos deux artistes préférés de la West Coast Music actuelle, les Young Guns, Silver Fox. Love Guarantee, c'était l'extrait de cet album AM Waves. Sean Lee and Deep Platz dans Transistor, dans votre musical California Spirit Radio Show. Voilà, en ce qui nous concerne, c'est terminé pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Même heure, même endroit. On se quitte donc. Soyez sages. À la semaine prochaine. Salut. California Spirit is presented by West Coast Music Magazine on www.musicfromthewestcoast.com.